Analyse du 11 septembre 2022. Thierry Pirlo, Sherpa One. Décès de la reine Elisabeth. Voici les paroles de Michel Canon, un ami de VK. Alliance au contrôle. Opération London Bridge en cours. Mort officielle de la reine reptilienne, le 8 du 9. 8 plus 9 égale 17, égale Q. La vraie est décédée. Il y a des années, 1776 jours exactement, entre le premier drop de Q, le 28 octobre 2017, et le décès, le 8 septembre 2022. 1776, indépendance américaine vis-à-vis de l'Angleterre. Elle décède 17 mois après la mort de son mari en avril 2021. Ce dernier est enterré le 17 avril 2021. Couverture du magazine Time avec Lady Diana, le 8 septembre 1997, Queen Elizabeth morte, le 8 septembre 2022, 25 ans exactement. Ça en fait des hasards. Ce ne sont plus des coïncidences à ce niveau, mais bien l'alliance qui est au contrôle, n'en déplaise aux sceptiques et aux éternels négatifs de tout poil. Mais comment fait l'alliance pour connaître les événements à l'avance? Et pour être aussi précise, elle a à sa disposition un ordinateur quantique qui s'appelle Palantis. Ce dernier est relié à la conscience humaine, comme celui du QFS, déjà opérationnel officieusement. Il compile toutes les probabilités des événements à venir et les compare avec la conscience collective de l'instant présent. Puis il détermine la solution à apporter avec une précision inégalée, car la préoccupation de l'Alliance n'est plus depuis longtemps le Deep State, mais le réveil de l'humanité. Elle ne veut pas avoir à gérer le chaos et des guerres civiles à cause de révélations trop rapides. Il faut que les gens voient et vivent par eux-mêmes la façon dont ils ont été mis en esclavage depuis des milliers d'années. Leur dire la vérité trop rapidement aurait été une catastrophe. C'est pourquoi l'Alliance a repris le plan du Deep State, l'a allégé, tout en gardant le cadre mortifère à des fins d'éveil. Sinon, ça n'aurait eu aucun effet et aucun intérêt, malgré les dommages collatéraux inévitables. Maintenant, la mort de la reine des lézards devrait être le point de départ de révélations qui se succéderont à un rythme déterminé par Palantis. Nous sommes à la fin. Trump, Poutine et Xi Jinping sont les trois principaux membres de l'Alliance, avec des tâches différentes au niveau géographique ou géopolitique. L'état profond n'est plus qu'un pantin désarticulé qui n'a plus de tête depuis longtemps. Le peu qu'il en reste est un corps décapité en roue libre. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut garder la tête froide devant l'adversité et avoir toujours à l'esprit que rien ne peut arrêter ce qui vient, malgré des apparences trompeuses. Restez positif malgré la tempête qui va s'accentuer et au plus vite vous verrez ce nouveau monde tant attendu. Mes amis, l'Alliance et notre capitaine Donald Trump pour le monde gagne sur tous les fronts. Ils ont déjà gagné depuis longtemps, puisque tout ceci est un plan élaboré de longue date, n'en déplaise aux esprits retors et défaitistes qui font feu de tout bois pour démoraliser la foule en dramatisant ce qu'ils ne perçoivent pas. En ce moment, les soi-disant informateurs, tarologues et médiums sont dans la confusion la plus totale. Ils vacillent sur le piédestal de leur notoriété et partent dans tous les sens, quitte à perdre toute crédibilité auprès d'une partie de leur auditoire. Tout ce qui est positif à leurs yeux devient négatif, car ils ne voient rien venir au fil du temps et s'enfoncent dans le narratif mortifère de l'actualité. L'univers les met à l'épreuve de leur certitude qui s'effondrent devant l'adversité. Ils ne savent plus et inventent des scénarios délirants qui captivent une partie de leurs abonnés en détruisant l'autre moralement. Ils pensent être dans la réalité, mais ne comprennent pas l'essence de ce qui se passe réellement en coulisses. La réalité est quelque chose qui se perçoit, mais ne s'invente pas. Ce n'est pas parce que tel informateur habite les États-Unis qu'il connaît mieux la réalité du terrain ou que tel médium tarologue se dit investi par le ciel qu'il a raison. Leur comportement les trahit parce qu'ils se perdent dans un langage travesti pour masquer leurs contradictions afin de ne pas perdre en notoriété. Je vous rassure, si toutefois vous en avez besoin, tout se passe bien dans les coulisses. L'Alliance existe bien, Q existe bien, ils œuvrent pour le bien de l'humanité. Il y aura encore des turbulences ces prochaines semaines, mais toujours dans un but d'éveil des derniers récalcitrants. Le juste temps est nécessaire. La patience est une vertu. C'est un plan minutieux qui demande de l'abnégation et du courage. Nous sommes tous unis devant l'épreuve. Les plus fragiles perdent pied, mais les plus forts ne vacillent pas. La tempête qui arrive va déraciner ceux qui doutent et ceux qui font semblant. À la fin, c'est l'Alliance qui gagne, mes amis. Seuls ceux qui ont la foi pourront le voir. Je tiens à faire une mise au point concernant le déroulement des événements qui vont aller en s'intensifiant, surtout dans leur contenu. Vous avez naturellement constaté que les personnages politiques, et parfois leur entourage, s'invitent dans le champ médiatique ou font partie d'une actualité, compte tenu de leurs responsabilités. Je prends l'exemple du dernier événement en date, qui a une importance capitale dans la suite du plan de l'Alliance. Certaines personnes s'étonnent que, sachant la reine des lézards morte depuis quelques années, sa famille n'a pas l'air au courant de cette situation et fait comme si de rien n'était, comme si elle était réellement décédée le 8 septembre. Leur étonnement et leur scepticisme sont pertinents au premier abord. La technologie très avancée, cachée secrètement depuis des décennies, permet très facilement le clonage des individus. Je sais que cette révélation va en choquer plus d'un, voire les faire rire. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, car celles qui suivront dans un futur proche seront encore plus déjantées et insupportables à leurs yeux. Sauf que ces révélations seront officielles et médiatiques. Par conséquent, les esprits crédules devant certains aspects de la réalité seront en dissonance cognitive, avant pour certains de perdre leurs repères. En dehors du clonage, il y a le masque sosie, très réaliste, et la technologie numérique CGI, qui permet de truquer les images de manière bluffante. Biden est un sosie, Macron est un sosie, Poutine est un sosie, ce dernier a été exécuté par l'Alliance en 2012, car il était manipulé par l'État profond. Biden a été exécuté fin octobre 2020 et remplacé par l'Alliance. Macron est peut-être mort et remplacé. Tout ceci à des fins d'éveil de l'humanité, en créant des situations burlesque et incohérente. Leur entourage proche peut être remplacé également ou sous contrôle avec une lourde peine de prison ou menace de peine de mort s'ils parlent. Car il en va de l'avenir de l'humanité. Voilà la situation en résumé, les amis. Tout va bien. Tout va très bien, malgré les dommages collatéraux, hélas nécessaires, pour que cela fonctionne. Je le répète encore une fois, si l'état profond était encore de ce monde, tout serait mille fois pire. Alors il faut se satisfaire de son sort et rester positif devant l'adversité. Tout est bientôt fini, à condition de le vouloir et d'y croire. Game over. Michel Canon, un ami sur V4.